On va parler de hockey. Alexis Lafrenière est blanchi jusqu'à maintenant en 5 ou 6, en 6 matchs. Et quoi qu'il en soit, ben on va parler avec une personne qui le connaît bien. C'est la voix de l'Océanique de Rimouski, Michel Germain, pour parler un peu de son début de saison. Est-ce qu'il était inquiet? On lui parle, c'est Michel. Bonjour Danny, comment ça Ça va? va bien, ça va bien. Michel, Formidable. Alexis Lafrenière, est-ce qu'il faut être inquiet? C'est une bonne question, ça. C'est une question à 100 000 $. Ouais. Je ne crois pas. Je OK. ne crois pas qu'il faut être inquiet. On dit souvent, puis pas seulement dans la Ligue nationale, mais quand tu montes d'un palier, un palier supérieur, que c'est le premier point ou le premier but. Qui est plus difficile à aller chercher, surtout quand tu es catalogué, évidemment, comme un joueur avec un talent offensif. Mais je pense pas qu'Alexis Lafrenière a désappris à jouer au hockey. Par contre, il s'est retrouvé dans un contexte, comme tout le monde, en fait, dans le monde entier. C'est que dans son développement et tout ça, c'est certain que la COVID Ah, c'est sûr. ne l'a pas aidé. Faut se rappeler que. Alexis a joué l'an dernier son dernier match alors que c'était la 64e partie de l'Océanique dans le calendrier régulier. Alors, on n'a pas joué les quatre matchs suivants pour finir la saison. Puis, il n'y a pas eu de séries éliminatoires. L'été, bon, ben ça, c'est normal. Il n'a peut-être pas non plus réussi à s'entraîner normalement. Les centres d'entraînement étaient fermés, tout ça. Puis là, ben, je répète, parce que c'est important, comme tout le monde. Mais en septembre, là, c'est ça. C'est là où on peut voir certaines décisions qui ont peut-être retardé son développement. C'est qu'il a décidé de ne pas se rapporter. Ben, il a décidé, c'est fort probablement les Rangers de New York qui lui ont dit qu'il ne viendrait pas au camp d'entraînement de l'Océanique. Alors, il n'a pas fait camp d'entraînement nécessairement à fond de train. Il n'a pas joué de match. Donc, il s'est rapporté au camp de l'équipe Canada Junior, qui est très, très court. Non, il ne s'est pas rapporté, c'est-à-dire au camp de l'équipe Canada Junior, parce qu'il n'a pas joué le championnat du monde, encore une fois par une décision des Rangers. C'est que là, on est parti de son dernier match joué en mars. On se retrouve en 2021. Puis il vient à peine de recommencer à jouer des matchs de compétition dans la Ligue nationale, donc dans un calibre, un échelon nettement supérieur. Pourquoi ça ne m'inquiète pas, c'est que c'est ce que, comme je disais tantôt, il n'y a pas désappris à jouer au hockey, puis il n'y a pas moins de talent. Et en plus, ce qui est formidable, ça, ben, je l'avais mentionné immédiatement après qu'il ait été sélectionné par les Rangers, s'est retrouvé dans une organisation qu'il n'a pas à sauver Non, c'est ça la de la différence. banqueroute. Oui, Par c'est ça. exemple, c'est ça. Si on compare à Sidney Crosby, qui, lui, quand il est arrivé à Pittsburgh, là, il devait sauver la concession. Mario Lemieux l'avait racheté pas longtemps avant, mais si Sidney Crosby avait fait patate, les Penguins de Pittsburgh ne seraient fort probablement plus à Pittsburgh. Crosby est arrivé avec une pression énorme. Le cavalier à Tampa Bay. Tampa Bay avait eu une année absolument épouvantable l'année d'avant et il s'était végétait dans les bas-fonds depuis le début. Alors, à 18 ans, on dit aux kids, d'ailleurs, si vous vous rappelez, ça remonte quand même à quelques années, là, c'était en 98, mais le propriétaire du Lightning de Tampa Bay avait dit le jour du repêchage que Vincent Le Cavalier était le Michael Jordan du hockey. Ben oui. Alors, tu déposes ça sur les épaules d'un jeune de 18 ans. Mais Lafrenière, l'histoire est complètement différente. Il est arrivé avec les Rangers, il n'avait pas participé à aucune séance d'entraînement avec l'équipe que déjà, on disait, et avec raison, il va jouer sur un troisième trio. Il va jouer sur la deuxième vague de l'avantage numérique. Puis de temps en temps, bon, on va essayer de le mettre en confiance, tout ça. Mais non, je pense qu'il puis paniquer avant quoi les Rangers ont Non, non, c'est cinq ça. parties, six parties jouées. Cinq, six parties, Je oui. pense que ce serait Mais beaucoup trop tôt. Jack Hughes est un bon exemple. Hein. 21 points l'année passée en 61 matchs et sans débloquer sa deuxième année. Il y a toujours une période d'adaptation aussi là-dedans. Oui. Ouais. Puis ça varie tellement d'un joueur à l'autre. Ouais, c'est ça. Tu C'est ça. sais, puis comme d'ailleurs, je me rappelle de l'avoir dit déjà, Danny. Les gens, moi, j'ai donné beaucoup d'entrevues avant le repêchage de la Ligue nationale à propos d'Alexis Lafrenière. Puis tôt ou tard dans l'entrevue, les gens me demandaient si tu le compares à Crosby, si tu le compares à Richard, si tu le compares à Le Cavalier, duquel il se rapproche le plus. Mm. Puis j'ai toujours été très clair. Moi, tu prends Crosby, tu l'élimines de l'équation. Ouais. Il n'y a personne, il n'y a aucun joueur junior. Moi, j'en ai pas vu, en tout cas, pendant c'est ma 26e saison avec l'Océanique. Ni avec l'Océanique, ni avec aucune autre équipe, un joueur junior comme Sidney Crosby, en personne, j'ai jamais vu ça. C'est sûr. Et même le cavalier Richards junior, puis Richards 532 points en trois saisons, saison série combinée avec l'Océanique, mais même lui ne s'approchait pas de Crosby. Alors, il me faisait penser plus à Brad Richards. Puis Brad Richards, ça a été le premier choix de troisième ronde du Lightning de Tampa Bay en 1998. Mais comme on connaît le Lightning, ils ont une historique de bien développer leurs jeunes. C'est ça la différence. Là. Ouais, ouais. Dis-moi, en tout cas, les Rangers, en tout cas, ils sembleraient... eux n'ont pas perdu confiance en lui. Ils l'ont muté sur la première ligne. Avec Ryder et ici Benajab. Donc, ça donne une idée là, qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de dramatique. En tout cas, eux, vous voyez ça. S'ils auraient trouvé ça en danger, ils n'auraient pas fait ça. S'ils n'auraient pas eu confiance, ils n'auraient pas mis sa première ligne. Là. C'est ça. Comme je te disais tantôt, au départ, il était sur le troisième trio. Ouais. Sur la deuxième vague du jeu de puissance. Maintenant, de temps en temps, on va le mettre avec les deux meilleurs compagnons de ligne possibles parce qu'on veut justement qu'il marque son premier but, qu'il ramasse sa première passe. Tout ça pour qu'il prenne confiance. Mais on va tenter l'expérience pendant quelques matchs. Ça fonctionne pas, ça fonctionne plus ou moins. On va le ramener peut-être sur la deuxième, peut-être sur la troisième. On va jouer avec lui toujours, je pense. J'espère que c'est ce qu'ils font. En lui disant, garde, inquiète-toi pas. T'as pas de points, mais reste calme. Puis poursuis ton développement. Puis on est très content de toi. Puis pour lui enlever le plus de soucis possible. Parce que j'ai pas besoin de vous dire qu'un joueur du style d'Alexis Lafrenière, qui est un marqueur qui a connu du succès dans les rangs juniors, puis en plus, qui arrive pour jouer sur son année 19 ans au lieu de 18, parce que c'est un late. Alors, il joue sur ses 19 ans cette année, ben il s'en met de la pression. Ses 5-6 premiers matchs, je ne me rappelle plus dans le junior, ça avait été, comment que ça avait été? Est-ce qu'il avait explosé tout de suite ou ça avait pris un certain temps avant de voir le talent éclore. Je sais qu'il avait connu une excellente première saison, là, mais les premiers matchs. Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait-tu un peu à ça? Ben, je pourrais pas te dire de façon précise statistiquement, mais il a ramassé des points dans les 5-6 premiers matchs. Okay. C'était pas non plus, je pense qu'il avait de mémoire, là, ça remonte à 3 saisons, mais je pense qu'il avait quelque chose après 5-6 matchs, là, comme 8 ou 2 points. Okay. Fait que c'était rien d'exceptionnel, mais quand même, pour un joueur de 16 ans, puis, c'était quand même un bon rythme. Mais à son année 17, puis tout ça, je sais que j'ai vu sur certains réseaux sociaux la comparaison entre son rendement et celui de Sidney Crosby, junior, puis c'était très avantageux. Mais parce que Crosby, lui, quand il est arrivé à 16 ans, il est parti en fou. Là. Au premier match, c'est un tour du chapeau dans une période. Okay. À son premier match dans la Ligue junior majeure. Ah, ouais. Mais Lafrenière avait un point et quart, je dirais, à peu près, en moyenne, au cours des 5-6 premières parties qu'il a joué junior. Ça fait que c'était un bon départ, mais il faut se rappeler qu'on avait été chercher un Samuel Dawes McFall à Saint-John pour jouer au centre, qui avait 20 ans. Donc, tout de suite, on lui a mis quelqu'un pour prendre soin de lui à tous les niveaux. Alors que Crosby, quand il est arrivé, on l'a mis au centre de la première unité avec Marc-Antoine Pouliot et Danny Roussin, qui était plus vieux que lui. Mais c'est Crosby qui a pris le lead. Ouais, c'est Sidney qui menait la barque, tandis que Alexis, dans le junior... Il n'a pas eu à faire ça. Il a eu 20 ans. À 16 ans, il avait Samuel Dawes McFall qui avait 20 ans. À 17 ans, il avait Jimmy Huntington comme joueur de centre. Puis, à sa dernière année junior, c'était Cédric Paré. Alors, trois avec qui ont eu des saisons qui ont profité beaucoup également, eux aussi, de la présence d'Alexis Lafrenière. Mais il y avait toujours un vétéran de 20 ans pour assurer le lead. Ah ouais. Alors, c'est un peu la même chose présentement. Bien, c'est encore plus important avec les Rangers. Hey, dis-moi, est-ce que le fait, s'il aurait joué au championnat du monde de hockey junior, je sais qu'il y a toujours un risque. On l'a vu, les Blackhawks de Chicago ont perdu Brendan Saad. Ouais. Est-ce que ça aurait été, ça aurait pu l'aider? Parce qu'il a quand même été plusieurs mois sans de la grosse compétition. Il y a peut-être ça aussi, là. Je te dis ça de même, là. Vais te dire, ben c'est clairement ça. Puis, Danny, je vais être bien franc avec toi, ça l'aurait aidé dans la mesure où il n'aurait pas été blessé. Ouais. Tu sais, moi, je t'ai déjà expliqué, et en ondes et en dehors des ondes, ce que je pensais de ça, le championnat mondial junior, à la période des fêtes. Moi, je considère que c'est un manque de respect total pour les gens qui achètent des billets de saison. Bon, cette année, il n'y en a pas. Qui ont acheté des billets de saison, là, mais c'est une exception, là. Mais année après année, c'est un manque total de respect pour les gens qui achètent des billets de saison pour aller voir évoluer le joueur pendant toute la saison dans son équipe junior. Tu sais, je donne toujours le même exemple, Bruno Gervais. Puis Bruno est un excellent analyste à la télévision maintenant. Mais Bruno Gervais, sa dernière année junior, il évoluait avec le Titan de Bathurst qui n'allait nulle part. Alors, le Titan était pour aller chercher le gros prix pour Bruno Gervais durant la période de transaction, à la période des fêtes. Bruno est allé avec l'équipe Canada, s'est fracturé une jambe. Et il n'a pas joué le reste de Ben la ouais, c'est saison. ça, on l'a Alors, le vu. Titan de Bathurst qui pataugeait dans les bas-fonds n'a même pas pu se reconstruire. Donc, pour Lafrenière, il n'a pas joué de hockey de compétition pendant 9 mois. Ça aurait été bon. Mais ça aurait été bon dans la mesure où il ne se blesse pas. Ouais. C'est un peu comme John Tavares, mais c'est sûr, c'est au niveau de la Ligue nationale. C'est pour ça que les joueurs, les propriétaires de la Ligue nationale ont hésité longtemps avant d'envoyer les joueurs aux Jeux Olympiques et qu'on les a pris en 2018. Je pense que la blessure de John Tavares était à Vancouver, ça, je pense, qu'il avait été blessé, là. Il avait fini l'année, il n'avait pas fini l'année. Je pense que quelque part, ça l'a nuit. Hey, Michel, puisque je veux te parler de la Ligue junior du Québec, comment ça se passe cette année avec les bulles, puis. On est un mois, on joue 3-4 games, on joue un mois, on revient. Ça doit être très, très difficile pour tout le monde. Ben, en fait, on nage tous dans l'inconnu, Hein? mais on a vécu notre première bulle la fin de semaine dernière et ça a été vraiment très, très bien. Ouais. OK. Dans la mesure, bon, je pense pas qu'il y a eu de cas de COVID déclaré, donc c'est l'objectif. On fait les bulles pour que les joueurs puissent jouer puis puissent continuer à jouer. Donc, ça a été vraiment un gros succès. Et en plus, les 3 matchs qu'on a eus en fin de semaine, ça a été, ben moi j'en ai vu 2 parce que celle opposant l'Armada au Rempart, j'étais pas admis dans l'aréna. Mais les 3 matchs ont été de très, très grande qualité. On a eu des très bons spectacles et c'est d'autant plus étonnant que ça faisait, comme tu le mentionnes, 1 mois, 5 semaines qu'on n'avait pas joué. Mais ça a été très, très bon. Puis là, bon, on va revivre une deuxième bulle à partir de samedi. Cette fois à 4 équipes. Shawinigan, Baie-Comeau et Québec qui revient à Rimouski. Puis c'est dommage qu'on n'ait pas de spectateurs dans les gradins parce que les shows ont été très, très bons. Puis nous autres à Rimouski, ben, on trouve ça encore plus dommage parce que la COVID chez nous, elle est vraiment sous contrôle. Ben, On est toujours en zone rouge. ben, c'est ça Mais qu'on ça, attend. c'est de la politique, là. Ouais. Fait que je veux pas trop m'étendre sur le sujet. Mais par contre, je suis élu, moi. Je suis conseiller municipal Ah, ici à OK. Amqui. Puis on espère bien gros, et là je pèse mes mots, que le 8 février, il y a des décisions qui vont se prendre en haut lieu pour respecter le fait que les gens d'une région donnée ont suivi à la lettre les directives et que ça a été efficace. Ouais, c'est sûr. T'sais, moi, je compatis avec les gens de Montréal qui sont pris avec des cas de COVID par-dessus la tête, puis que ça descend pas, puis que ça descend pas. Mais on aimerait que la compassion soit dans les 2 sens. Puis là où la COVID est nettement sous contrôle, qu'on nous enlève le pied sur la gorge, disons ça comme Ben, ça. moi, je vais faire juste une petite parenthèse, que c'est un podcast de sport, c'est un podcast de politique, Michel, mais je vais quand même te dire que je suis content de voir que les maires de certaines villes commencent à se lever. Ce matin, j'entendais le maire Louis à Lévis, j'entendais le maire de Sept-Îles. C'est loin de votre patelin, mais c'est quand même. C'est loin, mais vous autres, vous êtes habitués de voyager, là. Donc, il disait qu'il voulait que les commerces ouvrent tranquillement, pas vite, Puis je pense que je suis bien content que je suis bien d'accord avec ça. Puis je suis bien content que les maires commencent à se lever parce qu'il est temps, là. À un moment donné, C'est ça. C'est faut que parce ça qu'à arrête. un moment donné, il faut que tu aies un équilibre. C'est sûr qu'il faut, si jamais ça réouvre graduellement ou peu importe, il faut continuer d'être vigilant. Nous autres, on ne dit pas revenir comme avant la COVID, là, tout d'un coup, là, du jour au lendemain. Mais graduellement, puis si on fait ça, puis que les cas n'augmentent pas, puis tout ça, progressivement, on peut y aller. Mais de que notre région ici, puis là, je me fais l'écho de la population que je rencontre, puis qui nous en parle, Parce que... qu'on soit considéré exactement comme à Montréal, la Montérégie, Laval, qu'on ait exactement le même traitement, ben, les gens trouvent de plus en plus que c'est un petit peu injuste. Ben Michel, à quelque part, il n'y a pas juste la COVID là, dans la vie, là. Tu sais, Ben, c'est ça, il y a l'économie, il y mais a, tu l'économie sais, est tellement importante. Puis on n'est plus en mars 2020, là, puis je vais te finir là-dessus. En mars 2020, où on ne savait pas ce que ça en allait. On sait c'est quoi la COVID, on sait à qui ça touche. Puis je trouve que ça commence à être payé cher pour 99,8 % C'est ça. des chances Bon, on sait quoi. de C'est vivre. ça, on sait quoi faire aussi pour être prudent, là. Ben oui, c'est ça. Michel, gros, gros merci. On va surveiller Alexis Lafrenière ce Plaisir. soir. Il va jouer contre. Ben, les Rangers sont à Buffalo, donc on espère un Oui. premier point en son cas. On l'espère tous, son Ouais. premier point, son premier but. Ouais, Michel Germain, le descripteur des matchs de l'Océanique.